24.9. Activation, discrimination auditive, appréciation ou recommandation. Pour chaque énoncé que vous allez entendre, déterminez s'il s'agit d'une appréciation ou d'une recommandation. Cochez la case appropriée. 1. Votre potage est délicieux. 2. Cet armagnac est extraordinaire. 3. Je crois que ça vous plaira. 4. C'est mon dessert préféré. 5. Oh, moi, j'ai un faible pour le chablis. 6. Goûtez. 7. Vous m'en direz des nouvelles. 8. Ce gigot est exquis, c'est une merveille.